chez l'enfant. On peut se tuer dans la rue aussi devant un enfant, mais on ne traumatisera pas plus non plus. Là, ils vont dire, non, un instant, c'est pas pareil. C'est la même affaire. C'est évident que vu que tu es loin, il vous faudra peut-être 25 meurtres à télé pour équivaloir l'impression psychologique d'un meurtre en direct. Bon, mais c'est la même chose. Et en plus, ce qui va arriver, c'est que si le jeune pense à se suicider un petit peu, il va oublier. Et s'il pense à se suicider un petit peu, puis qu'à la télévision, il a peut-être expliqué comment les autres l'avaient fait, bien là, tu donnes plein d'idées. Mais ça, les adultes vont te dire, non. Mais va parler à des enfants, ils vont tous te dire, le moindre moment qu'ils voient qu'effectivement, ça a une incidence, ils vont tous t'éclairer ça de suite, eux autres. L'adulte ne le fera pas. Alors, c'est sûr que, quand je parle d'adulte, je ne parle pas des corps physiques de grands. OK, il faut bien comprendre. Comme l'adulte ne joue pas, bien, il joue. Jouer au hockey avec des amis, puis compter dans vos buts. Vous allez voir ce qui va se passer. Bon. L'adulte s'amuse plus. Bon. En France, j'étais en France dernièrement, et à la télévision, on parlait d'un sondage. Voilà une cinquantaine d'années, les statistiques avaient démontré, un peu moins, je pense que c'était 30 ans, que les Français riaient en moyenne 19 minutes par jour. Et qu'aujourd'hui, la majorité ne rit pas plus qu'une minute par jour, et plusieurs ne font même pas 30 secondes par jour. Et moi, j'ai constaté que du point de vue des statistiques qu'on a ici au niveau des problèmes avec les jeunes, c'est la même chose qu'en Europe. On peut presque en déduire que vous riez probablement pas plus qu'une minute par jour ou plusieurs, enfin au Québec. Les Québécois semblent encore être les Gaulois. Probablement qu'on rit un peu plus. Mm-hmm. Bon. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'enfant va rire souvent. L'adulte ne rira plus. L'enfant, puis finalement, ce qui va arriver, c'est que dans notre éducation, donc ce qui descend à tuer le jeune, la jeune vers l'adolescence, vient nous instruire du bon côté de ne plus être un enfant. Un enfant, c'est un imbécile. Tu vois, ça, c'est tellement facile à utiliser que même un enfant pourrait s'en servir. Donc, même un imbécile peut s'en servir. Tu sais? Alors qu'aujourd'hui, souvent, l'enfant se sert de la technologie, puis c'est l'adulte qui ne suit pas. Bon. Mais, ça, c'est vrai. C'est sûr que c'est vrai. Bon, les enfants cuisinent le micro-ondes, les parents, ils dégèlent. Les enfants enregistrent leurs vidéos, les parents, ils serrent la télécommande et ils vont l'allumer manuellement, tu sais. Alors, c'est vrai. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est que donc, finalement, on va même accepter continuellement de tuer les jeunes. Tu sais, il faut voir qu'il se passe quelque chose. On tue la jeunesse en leur donnant la plus mauvaise alimentation possible. Mais c'est pas une question de sentir coupable. Moi, je vous explique le principe social. Tu rentres dans un dépanneur, qu'est-ce qui est... Regarde, on sait que c'est un poison. Qu'est-ce qui est poison? Qu'est-ce qui est à la hauteur des yeux des enfants? Et en plus, on va vous vendre ça pas cher, là. Des petites billes, des petites bébelles, 3, 4, 5 cents. On s'arrange pour que l'enfant apprenne régulièrement. Et en plus, nous, on dit, on va lui faire plaisir, on va lui donner un peu de poison. Tiens. Alors, à part, puis ça reste l'humain encore, à part qu'on se donne du chocolat. T'aimes quelqu'un, empoisonne-le. Régulièrement. Il faut absolument, puis quand je parle d'adulte, moi je parle d'un stéréotype particulier d'égrégore qui fait en sorte, ceux qui ont lu Petit Prince à un moment donné vont se rendre compte ce que c'est, un adulte. Bon, et c'est pas le fait d'être grand dans un corps de grand, c'est pas ça être un adulte. C'est se prendre au sérieux. J'ai vu, moi, des adultes qui avaient 8 ans. Mm-hmm. OK? Bon, combien de fois on a vu à la télévision, puis plus vous êtes jeune chez vous, donc moins on a réussi à vous anéantir complètement. Plus vous allez trouver ça bizarre de voir un enfant de 7, 8, 9, 10, 11, 12 ans habillé comme un adulte. Bon, on voit ça dans un film, on voit ça dans un mariage. Un vrai petit homme. Ben, c'est ça, un vrai petit homme. L'enfant, faut tuer ça au plus vite. Bon, une vraie petite madame. C'est évident, faut tuer l'enfant au plus vite. Et souvent, les gens, quand ils regardent les jeunes, soit dans certaines religions ou dans certaines façons, etc., on se dit, tabarnouche, pas d'allure organiser un enfant de même. Qu'est-ce qu'il y a de pas d'allure? T'es bien comme un adulte. Et nous autres, on est tout contents de cette vie de même. Qu'est-ce qui fait que tu parles de... Tu as des adultes dans des corps de 8 ans, j'en connais, les mêmes plus jeunes que 8 ans. Qu'est-ce qui fait que s'ils sont scrappés vite comme ça? Déjà, il y a des adultes... Il n'y a pas eu encore tout le phénomène des hormones. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, le milieu va faire en sorte que... c'est évident qu'au niveau hormonal, la mutation biologique amène au niveau hormonal des réincarnations d'adultes. Mais si, avant même la mutation biologique, les adultes qui entourent l'enfant font tout pour rentrer à l'intérieur, bien c'est sûr que l'enfant finit par y arriver. Mm-hmm. Par exemple, on disait souvent, tu sais, un homme, ça pleure pas. Les enfants pleurent. Donc, il faut que tu sois tout sauf un enfant. T'sais, le plus vite possible, être tout sauf un enfant. Et là, ce qui arrive, c'est que à l'adolescence, plusieurs s'en rappellent pas, mais on peut regarder encore ce qui se passe au niveau de la jeunesse, le corps physique change. Mais tout à l'heure, tu as dit un mot magique plusieurs fois, qui est le mot « identité ». L'identité, c'est être capable de reconnaître les limites de ce que nous sommes. Non, Seigneur. De reconnaître les limites de ce que nous sommes. Ça ne veut pas dire être capable de mettre un mot sur ce que je suis. Bon, Daniel Kim, qui suis-je? Je suis un bon gars. c'est bon. J'ai pas besoin de dire je suis identifié. Mais comme ce qui arrive, c'est que tout le temps qu'on va harceler nos jeunes avec t'es pas ci, t'es pas ça, pas correct. Bon, au lieu de les instruire des mécaniques, bon, une jeune fille qui fait un mauvais coup, tu l'instruis de l'inécologie de l'affaire. C'est intelligent, les enfants. Ça va finir par comprendre. Si on fonctionne uniquement par la voie émotive, on ne verra pas que c'est intelligent un enfant. Parce que par la voie émotive, l'enfant va finir par apprendre. Mais quand on apprend, on n'a pas besoin d'intelligence pour apprendre. Tout ce qu'il faut, c'est de la mémoire. Répète, j'ai appris. Mais je n'ai pas compris. Alors que si tu t'arranges pour que je n'apprenne pas, et pour que je comprenne, là, tu m'obliges à apparaître. Là, je vais être plus intelligent. Ça veut dire que le véritable enfant, dans ses yeux, on voit de l'émerveillement. Il a la capacité de conscientiser, de goûter et de comprendre. Et nécessairement, il n'a pas peur du futur, il n'a pas peur du neuf, il veut fouiller. Il fouille partout, il veut apprendre. Mais à l'école, on va commencer à télévision. Juste une parenthèse, ça veut dire que si tu rencontres ça chez une grande personne, cette même capacité-là, elle est vivante. Ça veut dire que c'est un enfant. Ben oui. Façon de le dire. C'est ce qui va arriver. Mais souvent, si tu lui demandes, si tu jases avec elle, tu as découvert dans sa vie que souvent, plusieurs fois, les gens lui ont dit qu'elle agissait encore comme si c'était un enfant. Mm-hmm. Puis c'est toujours péjoratif quand on dit ça. C'est ça. Finalement, quand quelqu'un m'a dit que j'agis encore comme un enfant, c'est toujours péjorativement qu'on me le dit. Mm-hmm. C'est jamais un compliment. Mais moi, ça donne mal, je le prends toujours comme un compliment. Évidemment, ça marche pas pour les gens. Dans ton discours, ça donne le goût de devenir un enfant, c'est évident. Là, pas de devenir, de redevenir. De redevenir, mais moi, je suis prêt avec mes hormones, je suis prêt avec mon corps d'adulte. Mais oui. Est-ce que j'ai pu avoir la volonté? Pourquoi t'es pas pris, t'es pogné? Non, je suis pogné. C'est pas ça. C'est pas pareil. Non. Est-ce que j'en sais pas comment? Est-ce que je peux avoir la volonté de devenir ou de redevenir un enfant avec attitude? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, la première chose à faire, c'est de reconnaître, pour les êtres qui se conscientisent, à chaque fois, regardez ceci, par exemple, vous avez déjà vu ça souvent, la représentation d'un ange adulte. Non. C'est toujours un enfant ou une femme très enfantine. Adolescente. Pré-adolescente. Mm. Même si elle est grande, là. Mm. Pourquoi? Parce que la représentation psychologique de l'intelligence, de la pureté, de ce qui est subtil, de ce qui est correct, a toujours... C'est relié à l'enfant. C'est sûr qu'on regarde le corps physique pour dire que c'est un enfant. Mais moi, les enfants, je les vois dans n'importe quel corps physique. OK? Il y a un enfant, saveur, là, ça, des fois... C'est une saveur qu'on peut retenir. Oui, comme que là, t'as un enfant, tu me coupes la parole, toi. Non. Reste tranquille, François. Non, c'est une connerie. Mais moi, je veux dire, en tout cas, c'est adulte, tu sais. Il faut spécifier des fois. Alors, pour que tu redeviennes, il faut premièrement être capable d'observer qu'est-ce que l'humain veut vivre. Le mâle qui se pose la question, est-ce que c'est une vie d'être pris hormonalement à passer ma vie, à courir après les fesses des femmes? Ben, ça dépend qui parle, c'est pour ça. Je pourrais te répondre oui. Oui. Mais je pourrais te répondre non aussi. Oui, mais tu réponds quoi? Oui, si tu dis oui. Dis ton dos. Ça n'a pas d'allure. Non, effectivement, non. Non. Tu vois le travail de l'identité adulte de l'intérieur. Passer ma vie à courir après les fesses, c'est possible. Tu vois le travail de l'identité adulte? Oui. OK? Présentement, les deux sont dedans, là. Mais ça travaille en tabarnouche. Là, ce que tu vis, c'est une crise d'adolescence. OK, elle est limitée, là. Elle est très localisée. Une demi-heure de crise d'adolescence, non. Mais c'est ce que l'adolescent vit. L'adolescent, à un moment donné, là, c'est... Bon, il joue à l'adulte parce qu'il veut fuir la jeunesse. Mais ce qui arrive, c'est que si l'enfant reste enfant, il souffre énormément parce que les entités essayent de le tuer. Il va souffrir. À un moment donné, il finit par s'engourdir parce que les adultes, les parents, les amis adultes, mais on va dire les grands, parce que les grands ne sont pas là pour l'aider à lui dire, écoute, tu es correct. Un exemple. Le jeune qui se pointe devant vous quand tu es jeune et qui dit, ça c'est toujours une question, il ne faut pas se culpabiliser, il faut comprendre la mécanique. Puis toi, tu vas être capable de t'aider à comprendre la mécanique et à te réincarner, à redevenir ce que tu étais. Tu auras un corps d'adulte, de temps en temps, tu seras pris par tes hormones, mais tu resteras un jeune dans un corps d'adulte pris par les hormones, plutôt que d'être un jeune qu'on envoie aux poubelles le temps que l'adulte vienne faire l'amour avec une femme, après ça, l'adulte s'en va, l'enfer vient, puis il dit toujours bon. Vous comprenez? Mm-hmm. Bon. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est ceci. Il faut être capable de retrouver son identité. Retrouver son identité, encore une fois, c'est très différent de retrouver sa personnalité ou se chercher une personnalité. Parce que régulièrement, on va dire à nos enfants, et on vous a dit, et vous vous dites encore en tant qu'adulte, « Hey, t'es pas mal beau quand tu mets une cravate. » Ça, ça veut dire que lui, il apprend qu'il est beau uniquement en fonction de l'extérieur. OK? Lui, on s'en fout. Il est pas beau. C'est pas de cravate. C'est clair. C'est bien clair. Donc, à l'adolescence, quand il y a un bouton qui apparaît à mauvaise place, comme tu as appris tout le temps de ton enfance que c'est uniquement l'extérieur qui déterminait ce que tu étais, ben là, c'est la crise, parce que là, ton nez grandit subitement, tu as des seins qui apparaissent, c'est une fille, tu te bâtis un peu, il y a des poils qui apparaissent, tu m'as transpiré, donc tu m'as pué, bouton par-ci, bouton par-là, la barbe chez le gars, tout change, puis nécessairement, parce qu'on t'a dit que c'était uniquement ton extérieur qui déterminait ce que tu étais, et que tu t'aimes donc quand tu mets cette petite jupe-là. Donc, en partant, tu vois rien sans jupe. Donc, alors nécessairement, pour être accepté par le groupe, il faut avoir les mêmes souliers de course, le même manteau, la même casquette, la même coupe de cheveux. Toi, tu n'es rien. Mais toute l'éducation de l'enfant se fait comme ça. Au lieu de dire, si tu chandail-là, il est vraiment beau quand tu le mets. Fait, toi, tu rehausses ce chandail. Mais c'est vrai. Mettez-le sur un autre jeune. Peut-être que... Non, ça y va. C'est pour ça que tous les adolescents, présentement, ça va être tout pareil. Des rangilets, des casquettes. Ben, non, ils veulent. Ben oui, parce qu'il faut qu'on s'aime. Tu n'es rien sans tout l'extérieur. L'autre chose, par exemple, et que je t'aime quand tu réussis tes mathématiques. Non, et que je suis content quand tu réussis tes mathématiques. Je t'aime autant. T'sais, même si tu avais couru, je t'aurais aimé autant. Ça n'a rien à voir. Tu comprends bien que je t'aime de toute façon. Mais par contre, ça fait plaisir quand tu réussis. C'est une immense affaire. La jeune fille ou le jeune garçon qui demande à ses parents, s'il manquerait un bras, m'aimerais-tu autant? Vous allez tous répondre oui. Vous n'aimeriez pas ça qu'il lui manque un bras, mais vous allez l'aimer autant. Mais tout le temps, la communication, c'est « et que je t'aime quand tu as deux bras ». C'est ce que l'autre soit. Fait que la journée qu'il y a un accident, juste la mutation physique à l'adolescence, c'est un accident majeur. Ça va reconnaître après. Une chirurgie plastique complète. Et tout ça au complet va faire en sorte que l'identité, à travers la jeunesse de l'enfant, donc à travers notre jeunesse, l'identité est morcelée. Alors, comme à un moment donné, l'enfant n'est plus capable de vivre une centricité au niveau d'identification, il va essayer de combler par une personnalité. Et la recherche de personnalité va commencer souvent à préadolescence, rarement au niveau de l'enfance, préadolescence, et là, l'adolescent va rechercher une personnalité. Et sa personnalité va déterminer par les trois boutons qu'il a ou qu'il n'a pas, la casquette, le chapeau, les bottes, les mauvais coups. Il cherche à s'identifier, et parce qu'on le réincarne sans arrêt, ça bouge tellement au niveau de ce qui se passe autour de lui, tout ce qui va lui rester à faire, c'est de trouver une personnalité. Les personnalités sont toujours des engins collectifs. Il n'y a personne qui a une personnalité individuelle. Les gens ont tous des personnalités qui sont acceptées par l'ensemble parce que là, on ne parle que de superficie. OK, chercher une personnalité qui va correspondre à quelque chose d'extérieur, tandis que l'identité est là depuis 8, 10, 11, 12 ans. Alors, il me semble que ça serait plus facile de retrouver quelque chose qu'on est déjà, puis d'ajuster ça à la vie plutôt que de chercher quelque chose qui n'a pas rapport. Oui, c'est évident, sauf que les mécaniques astrales font en sorte de tuer l'enfant. Et l'adulte, finalement, devient l'outil idéal pour tuer l'enfant. Parce qu'il exprime plein de personnalités. Tant que l'enfant comprend, il est dans son identité. Moi, par exemple, j'ai plusieurs personnalités. À partir de l'adolescence, je suis mort à plusieurs époques, j'imagine. Puis, j'ai plusieurs personnalités. Aujourd'hui, je m'en débarrasse. Donc, quand je comprends, quand je conscientise les choses, les gestes que je m'étais libéré, quelque chose comme ça, je digère l'information, je digère le monde, les mémoires, je digère l'astral. Donc, à toutes les fois que je comprends, que je digère, ça m'énergise, puis ça fait partie de cette personnalité-là. Je remets, c'est ça. C'est l'équivalent, si un enfant reste à son identité, il n'y aura pas ce problème-là à faire. Il n'y aura pas ce problème-là à régler plus tard. C'est ça. C'est évident. Bon. Plus il va rester identifié à lui, exemple, tu dis à un jeune, mais entre nous, à un moment donné, moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est que toi, quand tu t'habilles, oui, effectivement, cette cravate-là, tu sais, je la rehausse. C'est pas du positivisme. T'es pas plus beau que la cravate. Donne-la à un autre, ça donnera pas le même effet. La cravate n'a pas d'effet sur la beauté. OK? Bon, il y a des journées, même, tu vas le mettre, ah, non, ça ne me va pas aujourd'hui. C'est toi qui détermine si le vêtement est beau ou pas beau. Mais lui, on pense que le vêtement. Alors, quand je dis pour te permettre une réincarnation, à un moment donné, faut que tu sois capable de réapprendre à t'aimer. Mais réapprendre à s'aimer veut dire réapprendre à s'identifier. C'est pas avec des mots. Qui suis-je? Je m'en fous qui suis. Qui je suis? Bon, mais je sais que ce que je dis, je suis. Bon, j'ai pas besoin d'avoir une personnalité. C'est pas évident, ça, s'identifier quand t'es un paquet de bebelles. Là, c'est pas évident, mais il faut pas que tu t'attendes à ce que ça fonctionne en 30 secondes. Ou que ce soit nécessairement facile, là. Quand ça va être facile si tu considères que ça va te prendre 15 ans. Mm-hmm. Mais si tu dis, moi, je vais faire ça dans 6 mois. Non, mais c'est parce que ça fait des années qu'on entretient ces personnalités-là. Ça va prendre un certain temps avant qu'ils disparaissent. Oui, mais c'est pour distinguer la saveur de qu'est-ce que c'est qui est toi et qu'est-ce qui n'est pas toi. Bon, la meilleure chose à faire, premièrement, c'est de vérifier ce que tu trouves beau. L'esthétisme, c'est l'une des meilleures clés actuellement pour guider la personne qui se conscientise. L'esthétisme. Mais l'esthétisme, pour moi, c'est quelque chose de très, très, très, très, très grand. C'est pas juste, je parle pas d'esthétisme physique. Quelque chose de beau. Un exemple, vous êtes propriétaire d'une maison. Vous avez acheté la maison il y a 5 ans. La maison appartenait à une personne qui a vécu là depuis que la maison était construite, depuis, mettons, 35 ans. Au deuxième, c'est un couple de personnes âgées. Ils sont là depuis le début. Ça fait donc, mettons, 40 ans qu'ils sont là. Là, au bout de 5 ans, vous voulez vendre la maison. La personne qui veut l'acheter veut en faire un condominium qui balayer les vieux demain, tu sais, bon. Là, vous vous dites, ouais, mais là, les vieux, ça fait 40 ans qu'ils sont là, puis là, ils sont les balayes de gloire, c'est, esthétiquement parlant, est-ce que c'est esthétique, l'action? Alors, pour moi, l'esthétique, c'est, bon, si tu dis, ben, écoute, c'est là le problème, les vieux, mais c'est pas esthétique. Il y a moyen de dire au bonhomme, écoute, tu touches pas au deuxième, ou tu, mettons, t'avais, bon, tu touches pas à tel logement. Quand eux s'en iront ou mourront, tu sais, ben, tu vas dire, oui, mais là, je le vendrai jamais. Tu vas réussir à le vendre, mais pas à lui. Il y a du monde brillant, il y a du monde correct sur la planète Terre. Nous, on pense toujours qu'il n'y en a pas. Alors, ce ne sera pas lui, ça va être un autre, mais ça se fait les choses. Mais toi, tu dois vérifier toujours esthétiquement. Ou bien tu vas aller voir les deux personnes âgées, tu vas leur dire, écoutez, je dois vendre. Moi, ce qui m'intéresse, je peux, tu sais, essayer de vous trouver une place qui va être correcte. Bon. Mais ça ne me regarde pas. Mais s'ils sont bornés et ils veulent rester là parce qu'ils veulent le faire. Après 40 ans, il faut que tu comprennes qu'humainement, après 40 ans, il faut comprendre la mécanique. Ouais, je comprends, mais il y a un peu d'acquis. Oui, mais moi, ce que je veux dire, c'est que l'esthétisme va au moins t'amener à faire des pas, à faire un effort, à essayer de régler. Si c'est deux vieux radoteux qui ne veulent rien savoir, ben, après un laps de temps, tu verras si toi, si tu es intelligent, bon, as-tu fait ce qu'il fallait? C'est pas une raison que ta vie soit déterminée par les voisins. Et ce que je veux dire, tu ne peux pas non plus envoyer promener tout le monde tout le temps. C'est ce que l'astral demande sur la planète. Être insécure au maximum. Si régulièrement vous savez que vous ne pouvez jamais compter sur personne, toute votre énergie va être canalisée sur se sécuriser. Et c'est pourquoi dans une société intelligente, on s'arrange au minimum pour se dire, écoutez, s'il vous arrive quelque chose, on va tout se mettre pour le régler. Fait que là, on vient de faire un beau morceau à l'astral, parce qu'au minimum, on peut dormir en paix. C'est une assurance humaine. Alors, ce qui va arriver, c'est que, moi, je parle d'esthétisme. Qu'est-ce que tu trouves? Ben, esthétisme, ce que tu nous dis, là, c'est, ça ressemble plus à du respect, de l'intelligence. C'est nécessairement de l'esthétisme. Le respect, l'intelligence et l'esthétisme. C'est, oui. Okay. Si tu peux exprimer du respect et l'intelligence. C'est-à-dire que quand tu as un cœur intelligent, tu comprends le mot esthétisme. Okay. Parce que ce qui va arriver souvent, c'est qu'intelligence, on peut le mentaliser. Bon, le respect, ça peut être mentalisé, ça peut être émotivisé. L'esthétisme, okay. De l'action, okay. Etc. Okay. Bon. Alors, si par exemple le parent veut éduquer son enfant, s'il vise l'esthétisme, pas que l'enfant soit beau, OK, mais l'esthétisme de la relation. Quand l'enfant graine sur le dos, il débarque. C'est pas esthétique? Bon, si t'es sur son dos, c'est pas plus bon. Alors, ce qui va arriver, c'est que trouves-tu beau chez les gens? Donne-moi des choses que tu trouves beau chez les gens. Ben, la façon de parler, de bouger, de se comporter. De regarder, de parler surtout. Bon, si tu vois des choses qui sont belles, et là je parle belles, OK, esthétisme, et non pas, moi j'aimerais se parler comme telle personne. Non, ça c'est du pouvoir peut-être que tu veux, là. Mais on parle de beauté, là. Mais c'est pas la façon que je le vois. Exact, c'est correct. Que je vois, là, qu'est-ce que je trouve beau, c'est ça. Mais maintenant, est-ce qu'il y a des choses que tu trouves beau chez les jeunes? Ah ben c'est évident, le fait qu'ils sont jeunes... Mais non, c'est pas évident. Non, OK, ouais. Oui. Okay. Je trouve ça beau, un jeune, effectivement. Mais pas un jeune qui se prend pour un adulte, qui se prend sérieux, qui veut jouer l'adulte, effectivement. Donc, tu sais déjà tout comment différencier. Faut descendre une coche un peu. Tu viens de même de dire, oui, si je trouve un jeune, si je trouve beau un jeune, et pas un jeune qui se prendrait. Elle a dit, tu sais déjà tout. Vous savez déjà tout ce que vous êtes. Mais par la beauté, par l'esthétisme, on peut le retrouver. Bon, un adulte, là, qui a quelque chose de particulier dans les yeux, on va le trouver beau. Si tu dis, bon, t'as un peu, il est trop beau, t'es beau. Je regarde la face comme il faut, là, mais c'est pas beau. Là, tu viens de passer une autre image. Mais si tu regardes ce qui rayonne, tu vas c'est qu'il est beau. Ça, c'est vrai, parce que moi, quand c'est... C'est bien que c'est vrai, là. Bon. Quand moi, je suis capable, je vois des gens jouer, jouer, puis si je suis capable de jouer avec eux autres, puis être bien là-dedans, je me trouve beau, effectivement. C'est évident. Parce que t'es là. Mais là, si tu regardes dans le miroir, tu te mets dans la place d'adulte, ouais, mais tu sais, ou ben, encore, tu comprends aux jeunes, tu dis, voyons, là, moi, tu dis ce que j'ai, puis tu dis la barbe, puis là, mais là, c'est pas là. C'est pas que je me trouve beau, c'est que je suis bien. Tu te trouves beau. Je pense, c'est quoi, c'est le terme qu'on s'entend. Non, c'est pas le terme, c'est parce que là, l'adulte, là, il se trouve pas beau. OK? Parce qu'en réalité, tu te trouves beau. Et ça, la beauté. C'est pour ça que je te dis que si tu te trouves beau à l'intérieur, puis pour vérifier si tu te trouves beau, tu regardes à l'extérieur. Puis ça, là. Moi, il y a des jeunes que je trouve très, très beaux, mais physiquement, c'est pas génial. Bon, il y a des adultes que je trouve très, très beaux. Physiquement, c'est pas génial. En tout cas, je pourrais vous en nommer. Puis, il y a des enfants qui sont beaux physiquement, puis que je veux rien. Je les trouve laids. Puis, il y a des adultes qui sont beaux physiquement, que j'ai trouvé laids aussi. Puis, évidemment, il y a des enfants qui sont beaux, que je trouve beaux, des adultes, ben, c'est bon. Mais, au cas, tu sais, parce que c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Tu veux que quelqu'un se sentir visé, ça? C'est compliqué, simplifié, tu sais. Ah, c'est quoi, je comprends, non? Je vais venir l'asseoir pour les gens dans la salle, puis ceux qui vont réécouter l'enregistrement, puis moi. Mon voisin. Tu te comprends. J'ai perdu ma question. C'est intéressant. Ça serait bon de savoir pour chacun quand est-ce qu'on est mort. Bon. Pour comprendre ça, là, quand est-ce qu'on est mort? OK, mais c'est pas nécessaire de savoir le chronomètre en main. Là, je suis mort le 28 novembre. À 8h15. Qu'est-ce que tu dis que Maxime, la date, non, c'est pas une question de date, c'est une question de comment tu changes. À l'adolescence. Pour comprendre, quand est-ce que je suis mort? Toutes les personnes qui n'ont pas vécu de crise d'adolescence ne sont pas mortes. Est-ce qu'il y en a dans la salle? Oh, il doit en avoir quelques-uns. C'est très rare. Ben, évidemment, il y a elle, là. Mais elle n'est pas encore l'adolescence. Bon, ben OK, ben moi, Attends, j'ai un bon exemple. Moi, j'ai pas vécu de crise d'adolescence, mais mon adolescence, je sais qu'à partir de 12 ans, j'ai été ramassé par des mémoires spirituelles. Alors, dans mon cas, c'était un détour. C'est peut-être une crise d'adolescence. Ben, c'est une crise d'adolescence. Ben, une crise d'adolescence, pour moi, une c'est... Une crise d'adolescence. OK. Ça va? OK. Mais moi, j'ai l'impression que ça m'a fait devenir adulte d'un coup. Bon, t'as vécu une crise d'adolescence quand même. Bon, ça peut être doux, une crise d'adolescence. Ça veut pas dire c'est... Non, dans son cas, ça n'a pas nécessairement été doux. Ça peut être marginal comparé à ce qu'on s'attend. C'est ça. OK? Mais c'était pas nécessairement doux. Moi, ce que j'entends, c'est que le jeune est linéaire. Par exemple, tu t'intéresses aux animaux, t'aimes les chats, t'aimes ceci, t'aimes cela. À 12 ans, 15 ans, t'en vas promener ton chien, de toi, rien, ça va être fait. C'est plus correct. Probablement que toi, fondamentalement, tu étais déjà intéressé à certaines choses. Il faut qu'on étudie ce qui s'est passé. Ça, c'est sûr. OK? Qu'est-ce qui fait que lui, à sa crise d'adolescence, ça va être plus spirituel, puis moi, ça va être plus, aller vers les femmes, par exemple? Regardez le corps physique. On n'a pas le temps de s'étendre sur le sujet, je vais continuer. Quand je te dis que le corps physique, c'est ce qui détermine ce qui va s'incarner. La forme ou en dedans? Tout. Donc, nécessairement, lui, il n'a pas un corps physique pour faire du courtisage. Toi, un peu plus. Ben, je pourrais avoir un peu de succès. Parce que moi, il faut que je joue à guerre longtemps. Ben, ça te ressemble, ça. Okay. Donc, la tête, tu vas lire dans la mécanique de mémoire que tu m'as expliqué, dépendant de la tête, oui. C'est quatre têtes, deux têtes, trois têtes, là, ou la façon dont c'est construite? Oui, ça dépend de ce que tu vas aller lire, de ce que tu vas aller chercher, c'est ça, de ce qui peut s'exprimer à l'intérieur du corps. Alors, à savoir, quand on est mort, à l'adolescence, la majorité des gens qui sont ici, on sont morts. Mort ne veut pas dire anéanti. Donc, de temps en temps, une mort, c'est un sommeil. Il y a un sommeil très, très, très profond. Et de temps en temps, ça veut se réveiller, ça se réveille. À un moment donné, les adultes regardent un film avec des jeunes, OK, bon, il y a un paquet de contes pour tous absolument génial qui ont été faits ici, bon, par des personnages au Québec, c'est ça? Alors, on regarde certains films à un moment donné, et puis les adultes sont touchés. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, on ramène la jeune, ça a le tendance à revenir. Nous, si on dit, c'est oui, mais là, je prenais des mots du corps d'adulte. Ça, c'est pas vrai. Le corps est un problème. Le corps d'enfant est un problème. Tu dois essayer de conduire un automobile avec un corps d'un enfant de 6 ans. Ça va être parfois des oreillers puis des. Bon. Il y a des avantages à avoir un corps plus grand. Il y a des inconvénients. Bon. Mais être un enfant ne veut pas dire avoir un corps en bas de 12 ans. Puis être un adulte ne veut pas dire avoir un corps en haut de 18 ans ou en haut de 16 ans ou en haut de 12 ans. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est que ça veut renaître. La problématique, c'est qu'il y a la guerre. Du moment où ça commence à renaître, ça se met immédiatement à venir te matraquer. C'est-tu normal, si c'est ça? Ou on va commencer à te donner le goût de, le goût de ci, le goût de ça. Tu sais, prenons toi, tu es assis devant ta télévision, puis subitement, tu vois une jolie fille qui passe, puis qui est, waouh, vêtue, mais, c'est subtilement. C'est ça, bon, OK. Faut quand même dire ça, vous autres, en tout cas. Vêtue pas trop? Pas trop vêtue. Et immédiatement, pis bang, ça rentre là-dedans, pis tu sais, il y a tout le goût de faire trouver quelqu'un. T'sais. C'est ça être manipulé. Et ça, ce n'est pas toi. Et là, tu te dis, ben oui, où tu changes de station tout de suite pour que ça continue à rentrer. Mm-hmm. Mais là, en même temps, tu essaies de bouger ton pouce sur ta télécommande. Tu vas attendre. Non, il va plutôt poser sa pause. Quand l'annonce est finie, tu cherches l'autre poste pour passer une annonce ailleurs. Non, mais tu vois l'idée. Ouais. Alors, ça fait partie des manipulations humaines. Tout est. Bon, là, l'enfant qui essaye d'être là, de recommencer sa crise d'adolescence. C'est sûr que la grosse crise de l'adolescence, c'est le temps que le jeune prend, soit qu'il meurt complètement, ce qui va arriver. Hein? L'enfant était ça, l'adulte est diamétralement opposé, ou carrément à côté, c'est totalement différent. Mm-hmm. Moi, ce que je veux, à un moment donné, imaginez juste ceci, pour comprendre le principe de l'affaire. Vous prenez un bonhomme, un criminel. Bon, il y a un gars dernièrement qui est rentré dans un train, là, de New York, descendu par quelqu'un de monde. On regarde le visage adulte. Regardez-le quand il est en train de tirer. Regardez-le quand il avait 16 ans. Regardez-le maintenant quand il avait 12 ans. Regardez-le vivre quand il avait 8 ans, puis quand il avait 6 ans, quand il était bébé. Puis, si vous regardez l'enfant qui joue au ballon, qui joue, etc., on ne peut pas jamais penser qu'un jour, il va... Bon. Alors, quelque part, à un moment donné, vous allez voir la métamorphose pendant l'adolescence, probablement, qui peut s'étirer longtemps. Puis là, finalement, après l'adolescence, là, on n'a plus du tout le même individu dans la majorité des cas. Et ensuite, la vie, la société, va radoucir l'adulte en crise dans la majorité des cas. Et c'est ce qui va faire qu'après la grosse crise, etc., la majorité se récupère en sagesse, mais l'enfant est très, très altéré, sinon mort. Quand je parle d'enfant, je ne parle toujours pas du corps du jeune. Je parle trop de candidité, de naïveté, de boulot. OK? Donc, puis dans notre conscience, ce qu'il faut faire, c'est zapper. Comme tu t'expliquais tantôt pour le dire, ou mettre sur pause, c'est zapper tout de suite. Quand ça arrive, c'est voir l'autre. C'est que tu es capable de trouver beau chez toi. Mais habituellement, on refuse de trouver des choses belles chez soi. En question, on ne veut pas. Interdit, parce que si tu commences à t'aimer, je parle réellement, tu vas renaître. Il n'est pas question que l'enfant vienne au monde, pas dans la stratégie astrale, ce qu'il faut faire, évidemment. Alors, au départ, si je suis capable, moi, de trouver joli, d'aimer les choses chez une personne, et elle est capable de m'aimer moi, il faut que j'en mette d'abord que j'ai quelque chose de mal. Elle t'essayera d'aimer ça, la partie aimable chez toi. Tu sais, ouais, c'est pas un cadeau. Ça veut dire qu'une des clés, c'est vraiment trouver tout ce qui est joli chez soi, puis de l'alimenter, de oui, puis évidemment, par le miroir, tu peux aussi, si tu es capable de trouver quelque chose de beau quelque part, c'est que tu as ce qu'il faut pour le trouver beau, donc tu l'as aussi à l'intérieur. C'est le lecteur, c'est le lecteur de beauté. Un être stupide ne peut pas reconnaître de l'intelligence. Il y a juste des êtres intelligents qui reconnaissent l'intelligence, des êtres subtils qui reconnaissent la subtilité, mais il y a juste des êtres beaux qui reconnaissent la beauté.